la décision politique a été prise. Et ça, ça nous a été dit, notamment par Pascal Smet, à l'époque, qui était ministre de la Mobilité. Voilà, la décision, elle est prise. On ne reviendra pas dessus. Tout ce qu'on peut faire éventuellement, c'est voilà, accompagner le chantier et éventuellement adopter l'une ou l'autre modification, mais de détail. Mais j'ai fait en sorte qu'il est là. Okay. Et à la fin de la législature précédente, on avait décidé aussi de rendre tout irréversible. Et on a prévu de l'argent, on a prévu de signer les contrats, délivrer les permis, puisqu'il y avait certaines qui étaient contre le métro. Et pour éviter que ces certaines contre le métro bloquaient tout le dossier, puisque c'est typiquement bruxellois, hein, on veut quelque chose, ça prend 20 ans pour réaliser quelque chose. J'ai voulu que ça avance ensemble avec Vervoort, Guy Van Engel. On a fait en sorte que c'était irréversible. Et on a fait tous les plans, on a suivi, négocié avec le quartier, qui n'était pas facile, puisque les gens étaient hostiles. Il y avait aussi des gens qui ont allumé les gens. Mais j'ai quand même rencontré une jeune génération qui habite ici, qui a bien compris l'importance du métro. Il ne faut pas regarder qu'aujourd'hui, il faut regarder aussi dans 10, 20, 30 ans. Et là, le métro est absolument nécessaire. Il faut oser. À un certain moment, il faut même oser de rendre les gens heureux contre leur volonté. Mais évidemment avec des beaux projets, pas avec les mauvais projets. Ben, tu vois, le métro, ça leur permet de faire du nettoyage. C'est une façon stratégique et intelligente de gentrifier. Et j'ai pas peur de prononcer le bon mot, parce que c'est de la gentrification. Et cette gentrification, je la vis depuis que la machine de la construction du métro 3 a commencé. Elle a même commencé avant, mais là, j'ai ressenti que la machine, on pouvait pas l'arrêter. Elle a démarré. Il n'y a pas un bouton pour mettre stop, parce que ce bouton, ils l'ont bien... Ils n'ont même pas mis ce bouton stop. Micro ouvert. On est au Palais du Midi. Et moi, c'était la première fois que je venais. Et c'est dingue. Il y a un super terrain de basket, là. Il y a des jeunes qui jouent un match. Enfin, ça a l'air immense en même temps. Ici, c'est une petite cafette bien sympathique. Enfin, voilà. Et donc, le sujet... C'est quoi exactement le sujet de pourquoi on se rencontre? Quelqu'un a envie de le dire? En fait, le sujet est surtout concernant donc en fait un recours que nous introduisons avec deux ASBL, donc l'AIB et l'ARO. Et donc, nous nous sommes joints au recours pour la partie, je veux dire, des riverains et comment tout ce qui est la partie sociale du quartier. Puisque l'idée de ce recours, c'est en fait que le gouvernement bruxellois déroge à un permis de démolition en disant du Palais du Midi. En disant que voilà, on va avoir un permis, parce qu'il faut un permis pour la démolition, en mettant 240 jours à la place de 480 jours. Donc pour aller plus vite dans leurs projets futurs, d'autres situations que nous ne connaissons pas encore, puisqu'on pose des questions, mais personne ne nous répond. Mais en tout cas, l'idée du projet, c'est donc bien la démolition pour continuer un autre projet, qui est en fait le projet du métro, et où, entre guillemets, là, énormément de citoyens ne sont plus d'accord avec l'idée des politiques. Voilà, ça c'est le point de départ, on va dire. Il y a un recours, les choses, en gros, pour que ce soit simple et que tout le monde comprenne, les gens ne veulent pas la destruction du Palais du Midi, quoi, c'est ça? Alors oui, tout à fait. Donc ici, il faut savoir quand même que le Palais du Midi est encore un des bâtiments de 1880 où ce palais a été transformé, qui appartient à la ville de Bruxelles et qui a déjà été transformé après que la ville est partie d'ici pour en faire un palais moitié des sports, dont le basket et bien d'autres choses qui existent dans le palais du Midi, dont les écoles, l'école de musique. Enfin, il y a tellement de choses sur ce palais du Midi. Et du jour au lendemain, ben, comment, la ville de Bruxelles, qui eux ont un intérêt autre pour remettre le palais du Midi dans un autre état, alors que bon, c'est eux quand même, dans les... il y a une trentaine d'années, qui ont complètement rénové le Palais du Midi. Et ça, je pense que comment, d'autres personnes pourront mieux parler que moi. Et on trouve que quand même, de nouveau, on est toujours là avec comment, des propositions de non-écoute. Parce que, pour finir, qui en... enfin, voilà, il y a des choses qu'on se pose comme des questions. A-t-on besoin de toute cette, cette démolition, quoi que ce soit, pour un projet de métro de nouveau mal ficelé en 2009, qu'on aurait pu déjà contraindre, en tout cas en 2009, de dire « Ah, attention, le palais du Midi, tatati ». Non, on continue à aller dans la démolition et dans la bruxellisation. Bon, qui parle alors, là, maintenant ? Une petite présentation basique hein, pour qu'on comprenne d'où vous parlez, quoi. Vous êtes qui, en fait, en gros ? Alors, moi, je suis arrivé... Enfin, je suis un Marolien, puisque je suis né dans les Marolles. Je m'appelle Alain. Et donc, en fait, j'ai moi-même rénové la maison Jamard, qui, en fait, est une maison qui est sur l'avenue Stalingrad et qui est une maison qui est classée. Donc, en fait, moi, je me retrouve en 2012, quand je prends le projet de la maison Jamard, en me disant, ben voilà, le quartier a besoin de la rénovation de cette maison, et je prends en charge donc en fait la rénovation complète de la maison Jamard pour en faire une maison d'eau, de culture. Et en même temps, je pense que dans le quartier, il y en avait besoin. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Mes voisins, beaucoup de gens dans le quartier m'ont remercié pour avoir mis cette maison en ordre. Parce qu'en fait, la ville de Bruxelles aurait pu prendre cette maison en charge. Et non, ça ne les intéressait pas de reprendre ce petit projet. Hein, parce que c'est, enfin, pour eux, c'est un petit projet par rapport au Palais du Midi. Et donc, voilà. Donc maintenant, je suis un peu impacté dans le quartier, mais surtout dans le projet du métro 3, puisque moi je me retrouve juste en face des bassins de boue, des bassins de pierraille et tout ce qui suit, où tout ça rentre dans la maison, alors que c'est classé, et personne ne s'en inquiète. J'ai parlé avec la STIB, avec l'Ombudsman et tout ce qui suit, ça reste tel quel, et ils continuent à faire leur crasse. Bon, maintenant, moi, c'est une maison classée, mais tous mes voisins ont les mêmes problèmes. Hein. C'est pas que moi. Donc, voilà. Et on a l'air de prendre ça à la légère et on continue le projet. C'est un peu comme un tank. On continue à avancer, quoi. Et là, je pense qu'à un certain moment, il doit avoir un respect pour le patrimoine des autres aussi, quoi. Donc, oui, c'est sûr. Un respect pour les gens, avant tout, et pour le patrimoine des gens. Ce qu'on peut peut-être dire, donc, moi je m'appelle Olivier, je gère le club de basket ici au Palais du Midi depuis 30 ans et l'ASBL Promo Jeune. Juste pour que ceux ou celles qui nous écoutent voient un peu plus de quoi on parle, en dehors du recours qui est un acte plus précis sur une chose plus précise liée au chantier, c'est que je pense qu'on peut dire que de prime abord, personne n'était contre l'idée qu'il y ait des transports en commun plus rapides, plus grands, etc. Mais pas au prix de dégâts tels qu'ils sont actuellement, que ce soit physiques, sociaux, patrimoniaux et financiers, des chiffres que tout le monde connaît un peu, avec des surcoûts, etc. Et donc, entre autres, il y a eu cette problématique de devoir dévier la ligne de métro pour aller entre Annecy et Forêt, et non pas de continuer par des voies plus ou moins existantes, mais de passer à un moment, quelqu'un a eu cette idée de génie, de passer sous le Palais du Midi. C'est à l'arrêt depuis un an et demi, et tout ça maintenant nous annonce que, j'ai entendu encore dans la fameuse émission Investigation, que même le patron de la STIP ne savait pas s'il y aurait un métro en 2035 ou en 2045, enfin, ça devient complètement délirant, ou alors, à ce moment-là, ça aura coûté 20 milliards, je suppose. Enfin, et tout ça, il y a des dégâts collatéraux, moi je m'occupe d'associatifs et sportifs, j'ai rien à gagner là-dedans, sauf à rendre éventuellement des jeunes heureux et plus sportifs, mais je vois autour de moi, au quotidien, des commerçants qui n'en peuvent plus, qui arrêtent, qui ferment boutique, de la crasse, comme disait Alain, de l'autre côté sur le Monnier, il y a de la crasse qui rentre de temps en temps, on doit tout nettoyer, on n'est prévenu de rien, il n'y a aucune communication. Très important dans toute cette histoire de chantier, nous qui sommes, moi-même qui suis au milieu du chantier depuis 4 ans, je n'ai jamais eu un écrit de quoi que ce soit, confirmant quoi que ce soit, sauf le dernier nous annonçant qu'on devrait quitter les lieux pour le mois d'août 2025. C'est ce qui nous a été en tout cas écrit et qu'on allait être contacté, etc. Voilà, donc tout ça n'a plus aucun sens, tout en sachant aussi, mais ça on y viendra peut-être plus tard, c'est qu'ici nous sommes sur la moitié d'un chantier, puisque cette ligne de métro nouvelle n'a un sens que si elle va apparemment de Forêt à Évert, et que pour la partie entre Gare du Nord et Évert, il n'y a encore rien, ni permis, ni quoi que ce soit, et tout ça ne va peut-être pas se faire vu ce qui se passe de manière effrayante dans cette partie-ci. Moi, je ne suis même plus sûr que cette partie-ci va se faire, parce qu'on est dans des dépassements incroyables, avec une série de politiciens, plus ou moins bonne composition, j'en sais rien, qui annoncent un tas de choses, en faisant comme s'il n'y avait pas des élections dans quelques mois, qui sera encore là pour décider de quoi, pour dépenser, etc. Voilà, et donc, nous, ça nous dérange, même si la ville nous rassure au niveau sportif et associatif en disant « mais ne vous inquiétez pas, on va vous construire 7000 m² à 300 mètres aux arts et métiers ». Oui, c'est là-dessus qu'ils jouent au niveau de la proximité. Ça restera à ce moment-là des bâtiments de proximité, mais l'école va disparaître, ne va plus être dans ce quartier-ci. Et puis, je pense que le Palais du Midi, moi j'y suis depuis 30 ans, quasi jour et nuit, c'est une plaque tournante de toute l'activité du quartier, etc. Voilà. Donc c'est dommage, mais on se bat avec nos moyens et avec quand même pas mal d'acteurs extérieurs au quartier. Moi, ça m'a toujours surpris qu'il y a parfois plus d'acteurs, les gens autour de la table. On est deux du quartier et deux pas vraiment du quartier. Et il y a énormément de gens qui sont intervenus. On attend encore Béa de Scarbé, qui ne sont pas du quartier. Donc, parfois, pour diverses raisons, de contact avec des politiques, d'intérêt de chacun, il y a parfois apparemment des difficultés à ce que les gens les plus concernés par le tunnel du métro 3, le Palais du Midi, s'impliquent et se dévoilent. Ce que je peux comprendre, mais ça donnerait plus de force si naturellement le quartier s'exprimait en masse et qu'on ne doive pas compter sur des gens amis de Molenbeek, de Saint-Gilles, etc., qui sont impactés quelque part, mais pas de la même manière au quotidien. Voilà, moi c'est un peu mon résumé. Je pourrais écrire un livre presque, mais j'en ai assez dit pour l'instant. Je vais juste rebondir. Donc moi c'est Ilham, donc moi je ne suis pas du quartier, mais le quartier, ce quartier-ci, j'ai un fort lien avec parce que j'ai ma famille, mes oncles et tantes qui sont à quelques rues d'ici, et donc ça a toujours été un quartier où je venais fréquemment. Plus depuis qu'il y a les travaux, malheureusement, parce que bon, c'est assez difficile d'accès, etc. Et donc, faut dire ce qui est aussi, c'est devenu un champ de ruines. C'est une catastrophe. On n'a pas envie de venir ni de voir le spectacle qui s'y produit actuellement, parce que c'est sale, parce que on est en insécurité totale. Ma fille est à l'école Matteo Ricci, donc qui se trouve aussi à deux rues d'ici. J'ai toujours très peur pour elle parce que c'est devenu vraiment catastrophique en termes de sécurité, en termes d'accessibilité, en termes de propreté. Et donc, voilà, on a toujours très peur de venir dans ce quartier, malheureusement. Et surtout, on n'a pas de perspective d'avenir. Pour moi, je suis assez défaitiste. Mais quand je vois ce qu'en disent les politiciens jusque-là, moi, je n'ai jamais vu ça, que ça soit dans le professionnel, que ça soit dans le privé. Quelqu'un qui va forer un mur, qui va détruire quelque chose sans avoir de budget pour le faire. Donc là, on nous dit, on estime à 4,7 milliards la ligne de métro, mais on ne sait même pas si on aura cet argent. On ne sait pas si la faisabilité du projet est possible ou pas. Si on fore dans les caves, si j'ai bien compris, c'est du gruyère. Enfin, voilà, techniquement, c'est aussi très compliqué. Bah, dans le film Investigation, on voit que c'est qu'on pose il pose la question de savoir, mais quoi, vous vous êtes renseigné après avoir commencé, c'est ça aussi, après avoir commencé les travaux. Ouais. Donc, et pourtant, malgré ça, il donne des informations en disant que dans les premières études qui ont été faites, on disait déjà que c'était possible, que ça ne puisse pas être fait, que la zone était trop marécageuse, etc. Mais on y va quand même, on fonce quand même dans le mur. Et c'est quand même incroyable, on voit ça nulle part ailleurs, en fait. C'est quand même dingue ce qui se passe. Tu crois qu'on voit ça nulle part ailleurs ? Moi, j'ai jamais entendu qu'on injecte autant de millions d'euros dans un projet et que finalement, on ne sait pas si on va y arriver, on ne sait pas si ça va prendre 10 ans, 20 ans, on ne sait pas si ce sera faisable ou pas. Et outre ça, toute la contestation qu'il y a eu derrière de différents organes, de différents professionnels, de ceux qui vivent la chose. Parce que je rebondis sur ce que disait Olivier, les gens ne veulent pas s'impliquer. Mais en fait, les gens ont peur de s'impliquer. Parce que moi, j'ai parlé avec beaucoup de monde en leur disant, mais venez, on fait quelque chose ensemble. Tu parles ici dans le quartier, du coup, alors. Dans le quartier. En leur disant, venez, on fait quelque chose main dans la main. On aura beaucoup plus d'impact si on est 100 plutôt que si on est 20. Mais les gens ont peur parce qu'ils ont peur d'aller au front et que finalement, au lieu d'avoir peut-être 10 000 euros, 20 000 euros, ils se trouvent avec rien parce qu'ils auront perdu, parce qu'ils se seront battus. Attends, là, je ne comprends pas quand tu dis 10 ou 20 000, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire, là ? Ils ont proposé qu'il y aurait une négociation avec les sociétés, avec les... Mais c'est qui le « il » ? Ah, la commune. La commune. Philippe Claus, etc. Donc, tous ceux qui ont reçu un renom, on leur a dit, on va négocier avec vous de la perte en fait que ça va engendrer. Et donc, selon leur chiffre d'affaires, selon les loyers qu'ils vont perdre, etc. Donc, surtout sur base de toutes les informations qu'ils auront, ils vont négocier avec eux. Donc, il y a une enveloppe qui est prévue pour ça. Mais donc, les personnes qui iront au front, ils ont peur de ne rien avoir du tout. Donc, ils préfèrent, ils se disent, de toute façon, vu comme ça va aller... On va de toute façon démolir le truc. On a t'as presque pas de chance d'avancer. Ils ont déjà perdu, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, ils se disent, autant prendre les cacahuètes qui vont nous balancer plutôt que d'aller me battre et finalement ne rien avoir. J'ai eu aussi des ASBL sportives, vu que tu en parlais aussi, qui me disaient, nous, on reçoit des subsides de l'État, de la région. Si jamais, moi, je viens me battre contre ça, finalement, je n'aurai plus rien. Et donc, c'est sur ça qu'ils jouent aussi. Parce que finalement, c'est malheureux, mais les gens sont pris... par le cou, par la gorge plutôt, et du coup ils ne savent pas aller au-delà de ça. Oui. Tu te présentes, Théo peut-être ? Oui, moi aussi je suis pas du quartier, j'habite Saint-Gilles, et je suis un des deux initiateurs du recours. En septembre, c'était le 29, le Parlement bruxellois a fait une loi d'exception, une loi spéciale, ça s'appelle ordonnance spéciale, c'est le nom exact, justement pour diminuer la procédure pour avoir les permis de construire. Et ça ne va pas. On n'adapte pas la loi aux circonstances. Et ça a été fait. Et c'est de nouveau l'irresponsabilité de la politique bruxelloise, surtout de la région, de la majorité, mais aussi de la minorité, les partis qui sont dans l'opposition, qui sont en faveur de la construction du métro, un projet pharaonique, un projet qui dérape, qui coûte énormément, et la région n'a plus les moyens pour le financer elle-même. C'est un truc catastrophique. Et de ce point de vue, on est allé en recours. On a eu un premier recours de deux organisations qui s'occupent du maintien de l'architecture, du patrimoine, IEB et ARON. Et on s'est joint à ce recours. IEB, c'est Inter-environnement. Et comment tu as dit encore ? ARON. C'est un... La RO, c'est une ASBL qui existe depuis plus de 50 ans pour la protection du patrimoine social dans Bruxelles. C'est-à-dire, c'est arrivé au moment de la bruxellisation où il y a des gens qui se sont soulevés pour protéger Bruxelles. Quoi. D'accord. Et en septembre, il y a eu dans le Parlement la décision. On a eu le temps pour introduire le recours. Il y a eu un premier recours le 19 janvier, a été publié quelques jours après. On a eu un mois pour se joindre à ce truc-là. Et avec 16 individus, deux ASBL et deux sociétés, nous avons fait ce recours. Et ce recours est, dans les gens qui sont dedans, très représentatif pour le quartier, deuxièmement, aussi pour la région. Il y a plusieurs gens qui s'intéressent à ce qui se passe dans le palais et dans le quartier, parce que c'est un bâtiment emblématique pour toute la région bruxelloise. Hein, et deuxièmement, la construction de la ligne, du ligne métro 3, ça concerne toute la région. Seulement sur le plan financier, ça a des implications énormes. Et j'estime que notre recours a donné de nouveau du courage aux gens qui résistent depuis 4 ou même plus d'années dans le quartier pour arrêter les travaux, pour arrêter la démolition du palais. Tu voulais dire par rapport à Hélène, là, parce que je t'ai... Non, globalement, c'est que moi, quand j'y réfléchis un peu en... pas à tête reposée, mais avec un peu de recul, c'est intellectuellement, tout ce qui se passe, c'est très, très vicieux. Parce qu'Ilham vient de parler des commerçants avec lesquels la ville négocie éventuellement. Il faut savoir, pour que tout le monde comprenne, que la ville n'est pas acteur de ce projet. Donc les acteurs du projet, c'est la région et la STIB. La ville est quelque part, en théorie, autant victime que les commerçants. Sauf que la ville a un intérêt, manifestement, c'est par exemple d'avoir, dans ce qui est prévu, un nouveau palais du Midi, pimpant neuf, dans 10 ans, financé, pas par elle, financé par la région. Et donc maintenant, les commerçants se retrouvent à devoir discuter avec leur interlocuteur quotidien, leur propriétaire qui est la ville, mais c'est pas la ville qui peut décider si on fait ci et si on fait ça. La ville doit suivre le mouvement. Donc intellectuellement, c'est vraiment très complexe. L'autre exemple intellectuellement qui, moi, me pose problème, c'est que, je le citais tout à l'heure, pour la partie à partir de la gare du Nord, il a été dit que déjà 50 millions d'euros, j'ai entendu, avaient été dépensés en études. C'est magnifique, je ne sais pas qui étudie quoi quand, mais moi j'aimerais bien étudier à la place de ces gens-là. Pour 50 millions d'euros, je peux étudier pendant longtemps et beaucoup. Mais le pire, c'est qu'après ça, et maintenant c'est la phase qu'on nous explique maintenant ici, du côté quartier à Naissens-le-Monnier, mais qu'on est également en train de nous expliquer, parce qu'on a découvert une piscine, apparemment, en gare du Nord, tout est à l'arrêt aussi depuis le mois d'avril. Donc on paye des sommes astronomiques pour étudier et pour préparer. On nous dit c'est normal, ça coûte autant. Et puis quand tout ça a été dépensé et qu'on commence, apparemment les résultats des études ne correspondent pas à la réalité. Et donc on doit augmenter. Donc tout ça intellectuellement, financièrement, c'est du délire complet. Et donc nous, c'est bien qu'il y ait des gens comme Théo qui initient et qui poussent, et Béa qui devrait arriver pour avoir derrière eux autant de pouvoir possible pour aller contre ces dérives dont on parlait encore avec Alain. Il faudrait sans doute des actions plus globales au niveau régional, puisque c'est tous les gens de la région qui payent tout ça. Hein, de 1,5 milliard à 6 milliards, je ne sais pas combien ça fait par habitant, mais c'est nous qui finançons tout ça. On devrait s'opposer globalement à tout ça, puisque, comme je le disais, il semble également que les dérives financières liées à ce chantier qui doit aboutir pour X, Y raison vont apparemment pénaliser un tas d'autres chantiers prévus et budgétisés pour le futur. Si c'est le cas, c'est pas normal. Mais où sont... Enfin, autour de ça, il y a également un flou, mais c'est intéressant de s'y intéresser, mais c'est énergivore et chronovore également. Hein. Ça prend du temps, de l'argent, les gens ont leurs activités au quotidien. C'est ça aussi qui fait qu'à un moment, ils renoncent à contester, à la fois parce qu'ils prennent des risques, par exemple dans la subsidiation, nous aussi, structure, on est subsidié par la région, par la ville. C'est pas de gaieté de cœur que des gens qu'on subsidie parlent éventuellement contre. Voilà, donc nous, par exemple... Ils vous achètent quoi un peu, alors ? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, mais nous, on le dit toujours, nous on n'est pas contre la ville, parce que la ville nous aide. On a l'impression que la ville est un peu dans le même bateau. Mais malgré tout, la ville a des intérêts. Finalement, au bout du compte, ce ne sont que les commerçants, les résidents, les associations qui n'ont pas d'intérêt là-dedans. Sauf qu'on leur dit que quand il y aura le métro, ça sera beaucoup mieux. La moitié sera mort, mais ça sera beaucoup mieux. C'est le seul intérêt que nous aurions. En dehors de ça, je ne vois pas où est notre intérêt. La problématique qu'on a dans cette situation qu'on a maintenant, c'est d'abord que la ville n'est pas très claire, en fait. On est dans un cadre de figure où on pose la question à la ville, en tout cas au bourgmestre, mais que va-t-on faire du palais du Midi après ? Parce que ça, c'est une question quand même qu'on devrait avoir. Après ? Ah ben, après, soi-disant, la fameuse démolition. Personne ne peut... S'il est démoli, il n'existe plus ? Non, alors... Dans le principe, d'abord, je n'aime pas du tout le terme de démantèlement. D'abord, un démantèlement, ça n'a rien à voir par rapport à du façadisme et de la démolition. Un démantèlement, c'est un peu comme de la cosmétique, hein, c'est pour dire qu'on ne va pas démolir. Hein, donc, on va démanteler une toiture. C'est ce qu'ils disent. Oui, c'est ce qui, d'ailleurs, c'est ce qui est dans le... Allez, c'est ce que le gouvernement a écrit dans son comment pour réduire le permis. Hein, c'est un démantèlement. Moi, je dis haut et fort que non, c'est une démolition. Et mettons des termes à des termes, hein, parce que pour finir. C'est quoi alors? C'est quoi? Parce que sinon, on comprend pas. Un démantèlement, ils veulent dire que, par exemple, oui, on va démanteler la toiture. Vous avez déjà vu des gros engins pour rentrer dans des sols à je sais combien de mètres, 30 mètres ou 40 mètres. Ben, c'est carrément démolir le palais du Midi et garder les façades. Donc ça, c'est vraiment l'idée d'esprit. Mais pour ne pas choquer les gens pour faire de la bruxellisation, on va dire qu'on va faire un démantèlement. Donc ça, c'est déjà fausser l'idée d'esprit. Oui, pour imager ce qu'ils ont prévu de faire, c'est garder... deux façades du palais du Midi, Stalingrad-Lemonnier, et vider, détruire tout ce qui est à l'intérieur. Et les gens. Une fois que c'est les gens à l'intérieur aussi. Oui, et enlever les activités. Une fois que tout a été vidé et détruit, creuser à même le sol, terminer le tunnel du métro, et une fois que tout ça est rebouché, apparemment, reconstruire un palais du Midi. Pour, comme disait Alain, quand, y faire quoi, pour qui, tout ça c'est le flou complet, sauf qu'il nous a déjà été dit, après quelques étapes, qu'il n'y aurait plus de sport qui reviendrait au Palais du Midi, qu'il n'y aurait plus d'associatifs qui reviendraient au Palais du Midi, et que les commerçants, dont la majorité ont demandé à un moment le gel des baux, c'est-à-dire, OK, on s'en va pendant 10 ans, mais garantissez-nous qu'on peut revenir au même endroit, aux mêmes conditions. Ça, ça a directement été un niet. Non, ça ne sera pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il y est prévu qu'on mette dans le Palais du Midi? La dernière interview du bourgmestre que j'ai entendue, c'est qu'apparemment, même au niveau de la ville, ce ne serait pas clair, ils ne savent pas. Mais à un moment, à la fin, qui dit vrai, qui dit faux, on ne sait pas encore ce qu'on va y mettre, mais on peut déjà nous dire qu'on ne va plus y mettre. C'est quand même un peu bizarre. Ça a été déclaré par le bourgmestre Claus à une interpellation citoyenne faite par Shirin Layashi lundi passé. À ce moment-là, il a continué à rester flou sur l'avenir du palais. Mais il a été fort et il s'est montré très assuré en disant « on va démolir, on va démanteler le palais, les jeux sont faits, il faut accepter cela ». C'est un point de vue, disons que la politique se montre fort, mais la question, et on a discuté déjà sur cette chose-là, c'est est-ce que la politique est assez forte que ça? J'ai mes doutes. Là, j'ai perdu ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça? La politique est assez forte. Pourquoi? Il se montre fort. Il se montre déterminé dans ses plans. Mais pour l'instant, regardez une fois, la construction du métro s'est retardée. Ça coûte beaucoup plus que prévu. Le financement n'est plus échancelant. Il y a la résistance dans le quartier et dans Bruxelles qui continue. Il y a les élections. Et dans l'interpellation citoyenne, Shirin a bien expliqué ça. Maintenant, les décideurs de... Shirin Layashi, c'était l'interpellante. Elle a fait... C'est une citoyenne d'ici. Elle est bien connue parce qu'ensemble avec quelques autres personnes, elle a fait un film justement sur le quartier. Peut-être vous le connaissez. Oui. Stalingrad avec ou sans ou contre nous. C'est le titre. Je l'ai vu. En plus, il est en accès libre. On peut le regarder facilement. Je veux juste dire politiquement, parce qu'il parle de la politiquement, c'est très important et c'est pas négligeable. Si on retourne en arrière, il faut savoir que le permis pour le métro 3 a été accordé dans la précédente législature, 2 jours avant les élections en 2018. Actuellement, et là je peux rejoindre Philippe Claus et la majorité, qui ne sait à la limite pas dire ce que deviendra le Palais du Midi, parce que ce qui est actuellement en cours de demande, c'est un permis de démolition dans la législature actuelle. 2024 est une année d'élection. Le permis de reconstruction d'un Palais du Midi ne sera demandé apparemment qu'en 2029 ou en 2031. Ce n'est pas la majorité actuelle qui vont le décider. Donc, rien ne dit que les majorités futures vont décider de ne pas reconstruire un palais du Midi. Donc, il est quelque part aussi logique que la ville ou la région ne puisse pas dire voilà ce qu'on va en faire, puisque ce n'est pas eux qui iront à décider, ce sera la nouvelle majorité. La nouvelle ou la suivante, hein, puisque les majorités sont 6 ans, 7 ans, on est parti pour 3 majorités avant la reconstruction de ce bâtiment. C'est logique, mais en même temps, t'as l'air de trouver ça logique parce que c'est la procédure habituelle, mais je veux dire, quand on démolit normalement, tu sais, quand tu réfléchis, ça ne devrait pas être comme ça. C'est illogique sur le principe, mais eux suivent une logique de timing et politicienne. Puisque tout ça, c'est la politique derrière, etc., qui... Moi, je dis toujours, je trouve ça extraordinaire, parce que, bon, c'est un propriétaire. La ville est un propriétaire. Donc, en fait, elle fait une gestion, entre guillemets, à perte, sur un bâtiment qui, quand même, correspond à plus ou moins 33 commerçants, plus des écoles, plus toute la partie structure sportive ou quoi que ce soit, ou la ville, alors de nouveau, la ville, c'est qui ? C'est les citoyens, hein, ce ne sont pas des politiciens, ce sont les citoyens. C'est les gens, quoi, c'est ça. Les gens qui sont, entre guillemets, si on veut dire, bon, je vais vous dire ça comme ça, mais propriétaires, entre guillemets, d'un bâtiment, géré par des politiciens, ou en tout cas la ville de Bruxelles. Et on se retrouve pendant 20 ans, alors si on va aller comme ça, sans revenu locatif ou quoi que ce soit. Et on trouve ça normal de ne pas avoir de projet futur, de se dire, tiens, voilà, apaisons aussi les gens. Parce que bon, pour finir, OK, on comprend que le métro, ça va se faire ou pas, ça c'est un autre sujet. Mais sur le palais du Midi, on vous dit, on va démolir et on verra après. Bah, jamais entendu un propriétaire qui va faire ça comme ça, hein, je vais démolir. C'est facile avec les deniers des citoyens. Donc c'est là qu'on a un peu aussi refroidi d'entendre ce genre de situation. Et je n'ai pas du tout aimé ce que le bourgmestre a dit lundi, parce qu'il avait l'air de dire, oui, le quartier méditerranéen, c'est une façon de nouveau de stigmatiser des choses. Ouais, de virer les gens. Pas, quoi, hein. Donc, c'est un quartier des Marolles. Allez. Les Marolles, ce sont un mélange de gens qui ont toujours été depuis bien avant, même au 19e siècle, c'était les Maroliens, des mélanges, quoi. Et ici, on va stigmatiser de nouveau quelque chose. Et je n'aime pas ça. Enfin, moi, personnellement. Ben moi non plus, j'aime pas. Voilà, donc, voilà. Et le palais du Midi, si on nous réconfortait déjà de dire, ben voilà, on va remettre le palais du Midi dans un état où le social est important, le sport est important pour les enfants, de les éduquer à autre chose que rester dans la rue. Désolé, ça, c'est quelque chose quand même qu'on doit revoir. Parce que bon, fatalement, s'il n'y a plus de salle de sport, s'il n'y a plus de parties échecs, où il y a musique ou quoi que ce soit, les parents vont aller bon, un peu plus loin, 700 mètres, ce n'est pas grand-chose, mais il y a quand même pour certains parents, c'est beaucoup. Parce que dans le quartier, c'est facile, 3 minutes, tu déposes tes enfants et après, tu peux continuer à aller travailler, tu peux aller faire des c'est choses. La vie dans un quartier, quoi. Dans un quartier. Alors, Loul et les commerçants qui sont ici, qui ont quand même des commerçants depuis plus de 30 ans, du jour au lendemain, on leur dit, vous devez partir. Mais OK, alors il y a des calculs d'apothicaire, légal, fiscal, tout ce que vous voulez. Mais ça ne comble pas leur année de travail que leurs parents ont fait. Hein, parce que bon, pour finir, c'est une génération, c'est une seconde génération, si ce n'est pas déjà une troisième génération. Hein, donc voilà. Et tout ça fait que ces politiciens qui sont là pour 5 ans, parce qu'ils sont là pour 5 ans et qu'ils vont se remettre peut-être à 5 ans au même couvert parce que bon, ces gens se mettent toujours en majorité, minorité, et puis bon, ils font des coalitions, tout ce que vous voulez. Et vous vous retrouvez avec des politiciens qui continuent à avoir une idée préconçue, comme quoi on les a élus, donc c'est eux qui décident. Eh bien, je pense que maintenant, c'est plus possible au 21e siècle de travailler encore comme ça. Au 19e, c'était quelque chose. Au 20e, c'était autre chose. Eh bien, nous sommes au 21e siècle. Et au 21e siècle, on pose la question aux citoyens, aux gens qui vivent ici, qui payent leurs impôts et qui font vivre la ville. Voilà. Je voudrais juste aussi rebondir sur une chose. Toujours dans le reportage Investigation, le directeur de la STIB a clairement dit: est-ce que vous avez été voir ce qu'est le Palais du Midi actuellement ? Il a besoin d'être rénové. Mais donc, quand un monument aussi grand que le Palais du Midi a besoin d'être rénové, est-ce qu'on doit tout raser pour faire quelque chose de nouveau? Parce que du coup, il n'y a pas besoin de tout rénover, puisqu'ici, ça a l'air bien clean. Hein. Pas assez pour eux. Visiblement, pas assez pour eux. Quand on écoute aussi Pascal Smet, qui disait que c'était un quartier trop arabe. Il a dit ça ? Il a dit ça dans son reportage, en disant, il n'a pas qu'une seule fois, il a dit qu'il y avait trop d'arabes, que les cafés étaient que avec des arabes, que, etc. Il a dit ça où ? Dans le reportage de Chérine dans le film où Pascal Smet explique ce qu'il veut faire en disant qu'il rend les choses irréversibles, qu'il faut rendre les gens heureux contre leur gré, que c'est un quartier trop arabe et qu'il faut pouvoir le changer. Et donc là, on voit clairement que c'est le seul but en fait, parce qu'il ne cherche pas d'autres alternatives, il ne cherche pas d'autres solutions. On cherche juste à foncer dans le mur et à faire ce qu'on avait voulu depuis le début. Et il nous le prouve 10 ans en arrière, et on n'y arrive que maintenant. Et on ne sait pas dans 10, 15 ans, est-ce que ce sera réalisable ou pas. En attendant, tout ce qu'on voit, c'est qu'on veut faire quelque chose au-delà et contre tout. Sans aucune réflexion, sans aucun réel plan pour l'avenir, mais on y va quand même. Oui, si je traduis autrement, c'est genre en plus c'est des Arabes, on s'en fout quoi. Ouais. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors Monsieur Smet, si vous le voulez bien, comment vous décririez le quartier Stalingrad en quelques minutes ? C'est un quartier arabe. C'est comme ça que c'est reconnu à Bruxelles, même qu'il y a des gens d'autres origines qui habitent ici. Mais la première connotation que les gens vont avoir avec les grandes terrasses où les hommes d'origine arabe, les Bruxellois d'origine arabe, prennent un café, ça c'est la vue. Il y a beaucoup de restaurants ici qui sont de bonne qualité, que plein de Bruxellois ne sont pas au courant. Il y a des bars à café qui sont très bien aussi. C'est un peu un quartier qui est un peu méconnu par des Bruxellois, un peu mis à côté, puisque les gens ne prennent pas le court-circuit pour aller à pied. Et pour moi, c'est un quartier avec beaucoup de potentialités et beaucoup de voir toute une nouvelle génération de jeunes Bruxellois ici qui veut faire quelque chose de ce quartier. Et les travaux, pour moi, doivent être un catalyseur pour cette renouveau urbaine, mais aussi de l'espoir pour le quartier. J'aimerais que vous poussiez un peu plus loin l'explication de comment faire l'interconnexion. Vous parlez de que tout le monde se sente bien d'y vivre. Oui. Ça veut dire quoi Parfois, il faut reconnaître le ghetto pour pouvoir déghettoiser. Il y a plein de terrasses, mais il faut avouer ici, je sais même que le commerçant veut changer ça. Très souvent, c'est très masculin, c'est très personne ici arabe, hein, marocain, algérien, tunisien, c'est pas seulement les personnes ici de la communauté marocaine, mais très arabe. Et en tant que tel, il n'y a rien de mauvais avec ça, mais c'est quand même mieux que des autres viennent aussi et qu'il y ait un vrai échange, parler, qu'on se connaît. Et aussi mixte en sexe. Je sais que le commerçant le veut, que c'est pas seulement les hommes, mais aussi des femmes. Et que c'est mixte. Et ça, c'est le grand défi quand les travaux de métro sont finis. Il faut valoriser et prendre ces quartiers dans les tissus urbains pour faire en sorte que ça fait à 100% Bruxelles aussi. Et que les gens n'ont pas peur de venir ici ou pensent, oh, c'est quoi ça, je vais pas entrer. Redire sur le Palais du Midi et M. Demeus, qui est en fait le grand directeur de la STIP, qui disait que le Palais du Midi devait être remis en état ou quoi que ce soit. Il faut quand même savoir que la ville de Bruxelles, en 1984, a rénové le Palais du Midi. Donc, je ne pense pas qu'on ait besoin d'une démolition complète. Oui, pour son projet à lui, pour ses idées à lui, ça c'est clair. Mais pour le Palais du Midi, il a besoin probablement d'une revisite électrique ou tout ce que vous voulez, parce que les normes ont changé. Mais de là à démolir un palais complet pour... Non, ce n'est pas l'idée d'esprit que nous avons, en tout cas. Et M. Demeus, bon, il a déjà visité relativement souvent, à mon avis, le Palais du Midi. C'est totalement faux. Surtout que dans le Palais du Midi, il reste des éléments architecturaux qu'ils sont encore à préserver. Donc, on reste quand même aussi une démolition de patrimoine pur. Hein. Donc, en démolissant tout, eh bien, ça permet d'encore enlever toute l'histoire de nos ancêtres, des gens qui ont construit ce Palais du Midi. Et là, je crois qu'il faut revoir aussi cette façon de travailler. Quoi. Depuis quelques années, on a connu la politique des faits accomplis. Et nous voulons arrêter cet état de choses. Et une des discussions que surtout Alain et moi ont eues, c'est impliquer les citoyens, les gens qui vivent autour du quartier et les habitants de Mille Bruxelles. Et une possibilité de le faire, c'est justement d'une consultation populaire. Mais je propose que Alain explique plus. Ce que c'est. Ouais. Alors, la consultation populaire, hélas, en Belgique, la Constitution ne nous le permet pas. Mais, de nouveau, la Constitution, elle est de 1830. Voilà, j'ai perdu le fil. La Constitution ne nous permet pas. La Constitution belge. Ne nous permet pas de quoi ? Ne nous permet pas de faire des consultations populaires. Comme Bruxelles. Une consultation populaire, sauf qu'elle est. Attendez, parce qu'on n'entend pas là. Sauf que la consultation, elle est juste consultative en fait. Elle n'est pas, elle va. En fait, on peut consulter les gens, on peut poser une question et consulter les gens, mais le pouvoir public parce que obligé de suivre. Voilà, parce que ça, je comprends mieux, parce que faire une consultation populaire, on peut le faire, on est libre, on peut aller de. Hein? Ok, là, je comprends. Sur le plan communal, sur le plan régional, ça n'existe pas à Bruxelles. Voilà, ça existe. Ce n'est pas légal. C'est ça que tu voulais dire. À Bruxelles, ça n'existe pas. Ça ne compte pas. Mais on peut l'organiser sur le plan des communes. Par exemple, la commune Mille-Bruxelles. Et c'est un enjeu énorme. On peut impliquer la population. Et sur ce plan-là, on est dans une période qui est colorée par les élections. Tous les partis politiques s'expriment sur ces choses-là. Et on va en discuter dans notre groupe les possibilités de l'idée de lancer une telle consultation. Au niveau communal, alors ? Au niveau communal, on n'a pas la possibilité pour l'instant de l'organiser sur le plan régional. Peut-être on peut impulser la discussion sur le plan régional sur cela. Parce qu'en Wallonie, on a légiféré sur ce truc-là. On a instauré la possibilité d'une consultation régionale, consultative. À Bruxelles, ça n'existe pas. En Flandre, ça n'existe pas. Mais sur les communes, la possibilité existe bel et bien. C'est dans la loi communale. En gros, ça, 10% de la population doit se prononcer dans une pétition. Ça veut dire 19 000 personnes bruxellois qui doivent soutenir l'idée. Et à ce moment-là, le conseil communal est obligé d'organiser une telle consultation. Et c'est une idée, on n'a pas discuté vraiment les détails, on est au début de la discussion, mais c'est, en tout cas, on a marre de connaître la politique jusqu'à maintenant, qui ne consulte pas les citoyens. Qui fait semblant, moi j'ai entendu aussi. Des fois il y a des consultations populaires, mais c'est juste pour faire du vent, quoi. C'est juste pour faire un bon genre, mais ils ne prennent pas en compte, quoi. Ben, donc, en fait, pour revenir sur l'idée de demander aux citoyens bruxellois qu'est-ce que vous voulez, parce que, bon, de nouveau, on est sur un cadre de figure financier, mais on n'a pas que la finance dans l'histoire. On a surtout qu'on a besoin, en tout cas la région a besoin pour d'autres finances, c'est-à-dire par exemple, on voit bien qu'à Bruxelles pour l'instant on a un problème de sécurité, mais on n'engage pas de policiers par exemple, parce qu'on n'a pas les fonds. Mais là j'ai envie de réagir. Attendez, mais ouais. Oui, mais attendez. Pour les écoles, même problème. On se retrouve à mettre moins de finances dans les écoles, alors que on parle aussi d'une démographie qui diminue. Donc l'idée d'un métro, c'était pour une démographie qui augmente. Donc ça veut dire qu'on utilisait de plus en plus le métro, mais non, pas du tout. On est en train de diminuer, je parle de la démographie, d'utiliser les métros ou quoi que ce soit, puisque actuellement, maintenant, on fait beaucoup de travail à la maison, du télétravail. Il y a beaucoup moins, les gens utilisent maintenant le vélo, par exemple, d'autres moyens de locomotion, peut-être plus rapides que le métro d'ailleurs. Moins dangereux aussi, parce qu'avant il y avait quand même beaucoup plus de voitures, donc tout ça est un peu revu, et qu'actuellement, a-t-on vraiment besoin d'un métro pharaonique pour arriver à un résultat qu'on ne va pas l'utiliser, en tout cas à ce projet initial, quoi. C'est parce que le temps, il avance. Mais je veux dire, les films qu'on propose aux gens d'aller voir Stalingrad le racontent déjà, ça. Hein, que... oui, oui, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est peut-être de continuer comment organiser cette consultation populaire, alors, au niveau communal Concrètement, comment s'y prendre, quoi. D'abord, je pense qu'il faut, d'abord s'interroger juridiquement. Et personnellement, d'interroger certaines personnes de la Constitution, de voir des avocats qui sont spécialisés là-dedans. Et, entre guillemets, j'estime que dans ce genre de projet, ce n'est pas que Bruxelles-Ville. Hein. Moi, je pense que c'est la région qui prend le... Alors, on va peut-être avoir un bug. Hein. On va peut-être dire qu'il y a peut-être plus de 50% qui vont dire non, on a besoin de ce métro. Mais ce sont peut-être des gens qui ne prendront jamais ce métro. Hein. Donc, voilà. Je pense que, de toute façon, les villes qui seront concernées, c'est vraiment le centre de Bruxelles, Schaerbeek, tout ça, où il y a plus de densité de population. Mais personne ne veut. Enfin, personne ne veut. Il y en a qui en veulent. Hein. Tout le monde n'est pas négatif sur le métro. Il y en a qui ne se posent pas la question non plus. Enfin, je veux dire... Non, voilà. Mais ici, c'est de donner les bonnes questions aux riverains, aux commerçants de la région, et de se dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on veut ? Et ce n'est pas une poignée de politiques qui peuvent décider pour une population qui, apparemment, en tout cas ce que nous voyons depuis déjà maintenant quelques années, ne sont plus d'accord du tout, et on est déphasé des politiques. On ne se sent plus représentatif dans une des politiques ou dans une autre des politiques. Et quand ils sont élus, ils s'arrangent pour être avec d'autres partis parce qu'ils se sont déjà arrangés entre eux. Non. De nouveau, je dis, on est au XXe siècle et il y a une population, quoi. Et moi, je n'ai plus envie que mes enfants et mes petits-enfants arrivent à payer les pots de ce qu'on fait maintenant, quoi. Hein, parce que c'est pas... Allez, moi, je veux dire, je suis dans une génération où c'est... Enfin, je ne vais pas dire que c'est la fin, mais je veux dire je suis dans une idée d'esprit comme non, c'est pour mes enfants ou mes petits-enfants. Et ici, je me retrouve avec des gens qui décident énormément d'argent sans penser... Alors, ils disent qu'ils pensent au lendemain. Non, je n'ai pas l'impression qu'ils pensent au lendemain, surtout qu'il y a des alternatives. Il y a déjà eu des propositions d'alternatives et ils ne veulent pas écouter. C'est ça le pire, c'est qu'ils n'écoutent plus. Alors oui, ils écoutent tout ça est à la bonne française. Ils font semblant, c'est ça que tu veux dire. Mais à un certain moment, pour la décision, non, ils vont continuer dans leur idée. Même l'opposition, hein, ils le disent, pas à n'importe quel prix. Mais ils sont d'accord pour le métro. Mais alors qu'il y a des solutions intermédiaires, surtout qu'on pourrait dire, ben voilà, ce projet du métro, il n'est pas de 2008, hein. Il date de 1960. Hein. Ce n'est pas un projet nouveau, hein, cette idée d'esprit, quoi. Il a été abandonné dans les années 60-70 pour des raisons exactement les mêmes que nous retrouvons maintenant. C'est-à-dire niveau technique, quoi. Au niveau du creusement. Et pour revenir sur le fameux permis qui a été délivré en 2008, hein, c'est ça, le dernier 2018, pardon, 2018, eh bien, ce permis n'est pas complet. Et on se permet de continuer à dire, oui, allez-y, et on va compléter ce permis. Parce que l'étude du sol n'était pas, à juste titre, puisqu'on le voit bien, n'avait pas été complétée. Et la CRMS, les pouvoirs au niveau du patrimoine et tout ça, ont alerté la région en disant « Attention, il faut faire absolument attention à ce niveau du sol, parce que vous n'y arriverez pas. » Ça a déjà été étudié dans les années 60-70. Alors là, c'est quoi ce bazar, quoi ? Pourquoi ils refont comme ça ? On les prend vraiment pour des imbéciles, quoi, du coup, tu vois ? Je veux dire, il faut pas être, malin, enfin, je comprends pas. J'aimerais bien qu'un jour, quelqu'un puisse, un historien ou en tout cas des gens de l'architecture, puisse aller étudier tout le projet des années 60-70 pour aller voir comment ça se fait que ce projet a été abandonné. Parce qu'il y a eu quelque chose, mais... Tu l'as dit un peu. Oui, alors, il y a un projet de la démolition du Palais du Midi avec une maquette des frères polacs architectes qui voulaient refaire donc le palais du Midi. Et ça, c'est, comment ce, allez, cette photo existe quoi. Mais ça n'a pas été réalisé. Donc il y a eu quelque chose dans ces années-là, mais bon, ben, nos aïeuls ne nous ont pas assez donné d'informations, en tout cas les miens. Et c'est ça que ce serait intéressant de trouver quelqu'un qui puisse aller fouiller de plus près dans ce genre de situation. Sur ce permis, comme Olivier l'a dit, il a été délivré 2 jours avant les élections, en mai 2019. Ça montre... 2018, mais peu importe. 19. Ce sont les élections régionales qui ont été faites à ce moment-là. Mais ce n'est pas ainsi important. L'importance se trouve dans cette date, juste avant les élections, justement pour créer l'effet accompli. Et ça continue. Et si on laisse faire la politique bruxelloise, ça continue. Déjà maintenant, il y a les déclarations des partis politiques dans la majorité et aussi dans l'opposition, malheureusement, qui continuent à croire dans la construction de ce fameux métro. Et j'imagine que la seule résistance efficace peut venir des habitants, des citoyens de Bruxelles. Et j'imagine, si on regarde ce qui a été fait par le quartier ici, les gens qui habitent ici, qui ont fait un film, qui ont fait des démonstrations, qui ont résisté à toute cette pression de la commune, de la région, et qui continuent à se battre pour la survie du quartier et contre la démolition du palais. Et notre recours, c'est un moyen en plus. On essaie de mobiliser, remobiliser le quartier. Et moi, je suis confiant dans les possibilités. Surtout si on peut organiser de nouveau une entente entre les citoyens qui habitent autour et, disons, l'opinion publique plus large de la région. Le métro n'est pas très populaire, ni à Schaerbeek, ni à Evere, non plus à Forêt. Et peut-être aussi dans les autres endroits à Bruxelles qui sont, moi, directement impliqués dans les choses. Et comment tu sais ça, que c'est pas très populaire, ce métro ? Justement, une consultation populaire donnera le résultat. C'est la preuve de l'affaire. Et moi, je suis prêt à accepter, utiliser un mot anglais, le challenge, le défi. Et j'espère que la politique régionale et bruxelloise va aussi être dans cet état d'esprit. En tout cas, c'est à nous, les citoyens, de se mobiliser pour cela. Ce n'est pas une idée farfelue. Hein. Une consultation populaire, c'est dans la loi communale. Avec 10% des habitants qui s'expriment en faveur, la commune est obligée de le faire. Il y a des exemples récents et moins récents. À Gand, en octobre, 8 octobre, il y a eu un référendum communal sur le logement là-bas. Et c'est quoi l'histoire ? Ça a été introduit. Il y a un quorum de 10% qui doivent se prononcer, qui doivent voter. Et c'était 15%. Ce n'est pas... C'était plus, du coup, alors ? Plus que le nombre nécessaire pour avoir un dépouillement. Mais ça a donné, disons, que ça a mis sur l'agenda politique la question du logement à Caen. Tout le monde, tous les partis politiques ne peuvent plus échapper à la discussion. Ils doivent avancer des propositions. Et pour revenir à Bruxelles, si on peut mettre ça sur l'agenda politique, c'est aux partis politiques, aux politiciens de s'exprimer. Et je veux bien connaître les positions à ce moment-là. C'est facile, hein, de faire la pression sur des commerçants qui sont sur la défensive, qui leur gagne-pain est en jeu, et de les mettre sous pression, c'est facile. C'est facile de dire que c'est un quartier plutôt maghrébin, qu'il faut le changer, qu'il faut le gentrifier. Ce n'est pas l'avis, j'imagine, d'une majorité des gens qui habitent la commune. Mais du coup, dans ton exemple, mais vite, hein, parce que le temps, voilà. Dans ton exemple, à Gand, c'est quoi la suite ? Ils le mettent dans l'agenda politique, ils sont obligés d'en parler, et c'est quoi la suite ? Ça, c'est en train de se développer. Okay. Le référendum a été fait en octobre et tous les partis politiques mettent en avant des propositions. On en discute. Est-ce que la ville doit rester propriétaire des terrains, oui ou non? Toutes ces questions essentielles sont en jeu. Et ça sera aussi le cas à Bruxelles, si on peut avoir cette consultation. Si encore juste un petit temps, on n'a pas abordé ça, mais je pense dans l'émission Investigation, il y a un économiste qui a dit ça de manière très rapide, mais c'est assez basique aussi, la position du politique actuellement, parce que ce n'est pas la direction de la STIP et de MEUS qui décide, c'est le politique. Et donc la région, qui disent on est à un point de non-retour, c'est-à-dire on a trop dépensé pour arrêter les travaux ici. Mais l'économiste disait, c'est tellement basique mathématiquement, est-ce qu'il faut en effet, envers et contre tout, aller vers des dépenses qui sont déjà à 6 milliards et qui vont sans doute encore augmenter, ou bien est-ce que le coût d'un éventuel arrêt, qui se montrait peut-être à 500 millions, je n'en sais rien, de dédits, etc., est-ce que c'est... Il ne faut pas dépenser 500 millions-là pour dire stop à ce truc complètement délirant, parce qu'il faut à tout prix construire ce qui va coûter 6 milliards. Financièrement, c'est forcément plus intéressant de payer 500 millions maintenant que de payer 8 milliards dans 10 ans. Oui, de stopper là maintenant. Oui, il y avait une logique dans le documentaire Investigation RTBF de dire... comme on a déjà dépensé autant, on ne peut plus reculer en arrière, on doit continuer à dépenser encore plus. C'est la condition maintenant de la région, de dire on est trop loin, il faut aller. On ne commencera peut-être pas à partir de la gare du Nord, parce que rien n'a encore été commencé et que ça va coûter des sommes astronomiques, mais ici on a été trop loin. Oui, mais sauf que si ce n'est pas réalisable, s'il faut abattre un bâtiment, s'il faut ennuyer les gens, s'il faut ruiner des commerçants, des suicides, il y aura sûrement, etc. Tout ça n'a pas de sens, naturellement. Pour aller plus vite, et il paraîtrait aussi que techniquement, on pourrait aller mettre plus de trams, aller plus vite. Ça, c'est encore un autre débat technique qui nous dépasse aussi, naturellement. Et ça, ici, on est surtout en train de parler que d'ici, que de la gare du Midi, que du palais du Midi. Mais dans la presse, ils parlent déjà aussi de peut-être démolir aussi la commune de Scarbeck, si jamais on passe par là. Donc, on aura exactement les mêmes problèmes de l'autre côté. Et en fait, à chaque fois qu'on va avancer d'un kilomètre, on aura encore la même problématique qui va durer encore 10 ans. Ici, déjà, ça a mis 2 ans. Où on a été mis à l'arrêt, où il y a eu ça, où il y a eu l'autre. Mais en fait, on ne voit pas le bout. On nous dit que ça pourrait être résolu dans 10 ans, que ça aurait dû normalement déjà être résolu ici, le problème, les travaux auraient déjà dû être terminés. Oui, mais on se rend bien compte que non, en fait. Et que plus on avance, et plus les dégâts seront plus grands, et on n'en voit pas le bout, mais on continue quand même. Moi, je suis quand même consternée de voir qu'on continue à foncer dans le mur, malgré qu'il y a tout qui nous dit qu'on ne peut pas aller plus loin, quoi. Ce qui est aussi un peu dérangeant pour le Palais du Midi, il y a quelques mois, donc en fait, de nouveau, les citoyens avec l'Arrow avaient pris une pétition pour sauver le Palais du Midi, c'est-à-dire tout ce qui restait encore du patrimoine à sauver. Et donc on a déposé, puisqu'on a eu plus de 1000 signatures, on a déposé ça au Parlement bruxellois, au niveau du patrimoine, et ça devait être étudié pour voir si on pouvait classer une partie ou pas. Nous attendons toujours, là on attend toujours une position, oui ou non, est-ce qu'on va le faire ou pas. En fait, quand ça les arrange, eux, c'est bon. Mais une fois que on les dérange, là on nous remet en morlaie. Et ça, ce n'est plus normal non plus, parce que dans le principe, on doit tous respecter la loi, on doit tous respecter la partie, comme je vous ai dit, financière, socio-économique, comment tout. Et ici, on se trouve avec des gens qui décident, mais qui, hélas, sont un peu hors sol. Hein. Ils sont dans leur lune, quoi, hein, actuellement. Quoi, hein. Donc, et c'est ça qui nous fait un peu peur. Alors, pour la commune de Scarbeck, ils auront un problème quand même complémentaire, parce que la commune est classée. Donc la commune en elle-même est classée. Donc là, aller en dessous, la maison communale est classée. Hein. Donc là, ici, le palais du Midi, c'est pas classé. Donc automatiquement, ils ont une force, entre guillemets, de dire « on peut démolir, c'est pas un problème ». Non, ce qui reste à préserver, il faut le préserver. Déjà que la ville a déjà démoli dans les années 80, ou en tout cas dans les années 60-70, des verrières et tout ce qui suit, qui existait dans le palais du Midi. Donc ici, nous, on stoppe, quoi. Donc voilà, c'est là que le citoyen doit arriver à parler et à donner leur avis avant que les politiques prennent des décisions. Peut-être un dernier mot. Non, il y a pas, c'est plus possible. On arrive, sinon. Bon, mais merci à vous. Hein.